Chapitre 25e. Le nouveau doyen et le nouveau conservateur prennent possession. Monsieur Harding et l'archidiacre arrivèrent à Oxford et amenèrent habilement le docteur Gwynne à se demander lui aussi « Pourquoi Monsieur Rabin ne serait-il pas doyen de Barchester ?» D'abord, tout naturellement, il essaya de démontrer à Monsieur Harding qu'il était scrupuleux jusqu'à l'enfantillage, entêté, timoré. Mais ses efforts furent vains. Si M. Harding ne voulait pas céder aux remontrances de l'archidiacre, il voulait moins encore se laisser persuader par le docteur Gwynne, maintenant surtout qu'on avait mis en train cet admirable projet de faire donner à M. Harding le titre de doyen. En voyant que son éloquence était vaine, et en apprenant aussi que M. Harding allait devenir le gendre de M. Harding, le docteur avoua que dans ces conditions, il serait heureux de voir son ancien ami et protégé, un agrégé de son collège pourvu d'une excellente position. « Ce sera un moyen, dit l'archidiacre, d'évincer M. Slow. »« Il n'a pas plus de chance, répondit le principal, que le chapelain de notre collège. J'en sais plus long que vous là-dessus. » Mrs. Grantly ne s'était pas trompée dans ses suppositions. C'était le docteur Gwynne qui avait fait valoir en haut lieu les droits de M. Harding, et il consentait maintenant à faire tous ses efforts pour que le titre fût proposé à M. Harabin. Ils allèrent à Londres, tous trois ensemble, et y restèrent une semaine, au grand ennui de Mrs. Grantly, et très probablement aussi du docteur Gwynne. Le ministre et son secrétaire étaient hors de Londres, l'un d'un côté, l'autre d'un autre. Les commis ne pouvaient rien dans une affaire de ce genre. Tout était difficulté et confusion. Les deux docteurs, très affairés, couraient de tous côtés et se plaignaient, le soir, à leur club, de n'avoir plus de jambes. Quant à M. Harding, il n'avait rien à faire. Une fois ou deux, il émit l'idée que l'on pourrait peut-être retourner à Barchester. Mais on lui fit un refus péremptoire, et il ne lui resta plus qu'à aller passer son temps dans l'abbaye de Westminster. Enfin, on eut une réponse du grand homme. Le docteur Gwynne avait fait sa demande par l'intermédiaire de l'évêque de Belgravia. Cet évêque, quoique récemment élevé aux honneurs épiscopaux, était très influent dans le monde clérico-politique. Ce prélat avait communiqué au marquis de Kensington Gore la requête et les arguments du docteur Gwynne. Le marquis, qui était lord grand maître de l'office et passait pour tenir l'emploi le plus important, en dehors du cabinet, aimait à s'occuper d'affaires de ce genre. Il dit un mot de la combinaison nouvelle au ministre, en prenant une tasse de café à Windsor Castle, et parla élogieusement de M. Harabin. La réponse fut donc favorable. M. Harabin fut fait doyen de Barchester. Les trois prêtres firent ce jour-là un gai dîner et burent au succès de leur ami avec de pleines rasades de claret. Le docteur Gwynne avait réussi dans ses démarches et en éprouvait une satisfaction d'amour-propre. L'archidiacre avait terrassé M. Slope et poussé à une haute dignité le jeune prêtre qui l'avait amené à renoncer à la vie tranquille et confortable de l'université. C'était du moins ce que pensait l'archidiacre. En réalité, ce n'était pas lui, mais les circonstances qui avaient abattu M. Slope. Le plus heureux des trois était encore M. Harding. Il n'eut pas, ce soir-là, sa mélancolie habituelle. Il fit de petites plaisanteries. Il taquina l'archidiacre au sujet du mariage de M. Slope et l'accusa de nourrir pour Mrs. Proudie une passion malséante. Le lendemain, ils retournèrent à Barchester. Ils étaient convenus que M. Harabin ignorerait le résultat de leur démarche jusqu'au moment où son futur beau-père lui remettrait la lettre du ministre. Pour qu'il n'eût pas de temps perdu, l'archidiacre lui avait écrit de se trouver dans la maison du doyen à l'heure où arrivait le train de Londres. Il n'y avait là rien qui pût surprendre M. Harabin. La nouvelle s'était déjà répandue dans tout Barchester que M. Harding allait être doyen, et toutes les cloches, tous les cœurs de Barchester se préparaient à lui donner une chaleureuse bienvenue. M. Slope avait bien eu un parti. Il y avait à Barchester des gens qui se disposaient à le féliciter de sa nomination avec une apparence de sincérité, mais ses partisans mêmes ne pleurèrent pas de sa déconfiture. Les jeunes demoiselles de 35 ans, qu'avait enthousiasmé dans le principe l'austérité des réformes annoncées par M. Slope, se reprenaient à écouter avec plaisir les offices chantés. Le peu de dépenses qui se faisaient au palais n'avait pas rendu l'évêque populaire dans le monde marchand de la ville. Bref, il y avait eu une forte réaction. Aussi la joie fut-elle générale à l'annonce de la nomination de M. Harding. M. Rabin, nous l'avons dit, ne fut pas étonné de se voir donner rendez-vous dans la maison du doyen. Il n'avait pas encore vu M. Harding depuis qu'Eleanor l'avait accepté, ni depuis qu'il avait appris la nomination de son futur beau-père. Rien de plus naturel, de plus nécessaire même, qu'ils se rencontrassent le plus tôt possible. M. Rabin attendait donc dans le salon quand la voiture amena M. Harding et le docteur Grantly. Ils étaient tous trois violemment émus en se serrant la main, et peu en état de parler avec sang-froid et avec suite. M. Harding resta comme frappé de mutisme pendant quelques minutes, et M. Rabin ne put que dire quelques mots entrecoupés sur son amour et sur son bonheur. Il y glissa, le mieux qu'il put, des félicitations au sujet de la nomination, puis il parla de ses espérances, de ses craintes, son espoir d'être reçu comme un fils, sa crainte de ne pas mériter assez son bonheur. Enfin, il revint à la nomination et déclara que c'était la plus juste qu'il eût jamais vu faire. « Mais, dit M. Harding, et incapable d'en dire davantage, il jeta un regard suppliant à l'archidiacre. « La vérité est, Arabine, dit le docteur, qu'après tout, vous n'êtes pas destiné à être le gendre d'un doyen, pas plus que moi d'ailleurs. » « Monsieur Harding, ne doit-il donc pas être nommé ? » demanda Monsieur Harbin. « Il paraît que non. » Le visage de Monsieur Harbin exprima la contrariété. Ses yeux allaient de l'un à l'autre. Il voyait clairement que ni l'un ni l'autre n'était attristé de ce changement, et il ne pouvait comprendre pourquoi. « Pensez à mon âge, » dit Monsieur Harding. « C'est de l'enfantillage, » répliqua l'archidiacre. « C'est bientôt dit, mais avec tout cela, je ne suis pas un jeune homme. » « Et qui sera doyen ?» demanda M. Rabin. « Oui, voilà la question, » répondit l'archidiacre. « Voyons, monsieur le grand chantre, puisque vous ne voulez pas de ces fonctions, dites-nous au moins qui les remplira. Il a la nomination dans sa poche. » Les yeux remplis de larmes, M. Harding tira la lettre de sa poche et la tendit à son futur gendre. Il essaya de dire quelques paroles, mais n'y put réussir. Après avoir remis le papier, il se tourna contre le mur, feignant de se moucher, et s'assit sur le canapé de crainte du vieux doyen. Nous n'avons pas la prétention de décrire le ravissement avec lequel Eleanor accueillit son père. Elle pleura de chagrin et de joie, de chagrin, parce qu'elle voyait que son père, à son âge, n'avait ni le rang ni la position qu'à son avis il avait si bien mérité. De joie, parce que son père bien-aimé avait fait abandon à l'autre objet de son amour des avantages qui auraient pu être siens s'il l'avait voulu. Et ici, M. Harding donna une nouvelle preuve de sa faiblesse. Dans cette mêlée de sentiments d'amour et d'affection, il fut incapable de résister aux instances unanimes qui lui furent faites pour qu'il quittât son logement de High Street. Eleanor n'habiterait pas, disait-elle, la maison du doyen si son père n'y venait vivre aussi. M. Harbin refuserait le décanat si M. Harding ne voulait pas être son auxiliaire. L'archidiacre déclara qu'il n'était pas admissible que son beau-père n'en fît qu'à sa guise. Bref, Mrs. Grantly emmena son père à Plumstead pour qu'il y demeurât jusqu'au moment où Mr. et Mrs. Harbin seraient en état de le recevoir chez eux. Pressé par de semblables arguments, le vieillard pouvait-il ne pas céder? Mais il y avait une autre tâche que M. Harding voulait accomplir avant de s'accorder à lui-même le repos. Nous avons peu parlé dans ce livre de ce qui restait des anciens pensionnaires de l'hospice. Mais il ne faut pas croire que leur ancien directeur les eût oubliés, ni que, malgré l'anarchie qui régnait dans l'hospice, il eût négligé de les visiter. Il les voyait constamment, et leur avait fait comprendre récemment qu'ils devaient se préparer à obéir à un nouveau maître. De 12, il n'était plus que 5. M. Harding résolut d'introduire dans l'hospice le nouveau conservateur. Il sentait que ces vieillards seraient peut-être disposés à montrer à M. Quiverful de l'éloignement et trop peu de respect, et que celui-ci éprouverait peut-être des remords à la pensée qu'il entrait dans l'hospice en adversaire de son prédécesseur. M. Harding voulut donc accompagner M. Quiverful et demander aux pensionnaires leur obéissance respectueuse pour leur nouveau directeur. En retournant à Barchester, il apprit que M. Quiverful n'avait pas encore couché dans la maison de l'hospice et n'était pas entré en fonction. Il lui fit connaître son désir, et sa proposition fut acceptée. Ce fut par une radieuse et claire matinée de novembre que M. Harding et M. Quiverful franchirent bras dessus, bras dessous la porte de l'hospice. Quand il avait quitté sa vieille habitation, il avait eu le même pas tranquille et modeste qu'en faisant sa promenade quotidienne. Maintenant, il rentrait en protecteur d'un autre conservateur, du même pas modeste et tranquille. Il était peut-être un peu moins droit que 6 ans auparavant. Sa marche était peut-être un peu plus lente, ses pas un peu moins assurés. Mais d'ailleurs, on eût dit qu'il rentrait simplement chez lui au bras d'un ami. Cette montée alla au cœur de M. Quiverful. Si pauvre qu'il fût, le curé de Puddingdale avait amèrement souffert d'avoir à supplanter un confrère aussi bienveillant, aussi poli que M. Harding. Sa situation de famille lui interdisait de refuser l'avantage qui lui était offert, le pain de ses enfants, un allègement du lourd fardeau qui avait si longtemps pesé sur sa pauvre femme. Néanmoins, il avait été très pénible de penser que son entrée à l'hospice serait mal vue de ses confrères. M. Harding avait bien compris tout ce qui se passait dans son cœur. En matière d'affaires, l'archidiacre regardait d'un peu haut l'intelligence et le jugement de son beau-père. Peut-être avait-il raison, mais en d'autres matières non moins importantes, en tout ce qui touchait la délicatesse des sentiments et des procédés, M. Harding eût pu en remontrer à son gendre. Il avait cette faculté de lire dans le cœur d'autrui, qui est beaucoup plus spécialement un don naturel de la femme. Ils entrèrent donc ensemble dans la cour intérieure, où ils trouvèrent les 5 vieillards. M. Harding et, à son exemple, M. Quiverful leur serrèrent la main. Avec Burns, qui avait été son favori, M. Harding répéta sa poignée de main. M. Quiverful allait l'imiter, mais le vieillard ne l'y encouragea pas par son attitude. « Je suis bien heureux de savoir que vous avez enfin un nouveau conservateur, » dit gaiement M. Harding. « Nous sommes bien vieux pour en changer, » dit l'un d'eux, « mais il faut croire que c'est pour notre bien. »« Certainement, c'est pour votre bien, » dit M. Harding. « Vous aurez un prêtre de votre église, un excellent prêtre, sous le même toit que vous. C'est une grande satisfaction pour moi de savoir que vous allez avoir avec vous un homme bon, un de mes amis, qui me permettra de venir vous voir de temps en temps. » »« Nous en serons bien reconnaissants à votre révérence, » dit un autre. « Je n'ai pas besoin de vous dire, mes amis, » dit M. Quiverful, « combien moi aussi je suis reconnaissant à M. Harding de sa bienveillance pour moi. Je dois dire de sa bienveillance toute spontanée, à laquelle je n'avais nul droit de m'attendre. Il a toujours été bon, » dit un troisième. « Je ferai tout ce que je pourrai pour remplir le vide qu'il a laissé parmi vous. Je le ferai pour vous, pour moi, surtout pour lui. Mais pour vous, qu'il avait si longtemps connu, je sens que je ne serai pas l'ami bien-aimé, le père affectionné qu'il a été. « Non, monsieur, non, » dit le vieux Burns, qui jusque-là avait gardé le silence. « Personne ne pourrait être pour nous ce qu'il a été, pas même un ange du ciel, si l'évêque nous en avait envoyé un. Nous ne doutons pas que vous ne fassiez de votre mieux, monsieur, mais, vieux comme nous sommes, nous ne pourrons jamais retrouver en vous notre ancien maître. « Fi, Burns, fi !» « Comment osez-vous parler ainsi ?» dit M. Harding. Mais tout en grondant le vieillard, il lui tenait toujours le bras qu'il serrait affectueusement. Certes, on ne pouvait attendre un vif enthousiasme de ces pauvres gens. Pourquoi ces 5 vieillards qui marchaient d'un pas chancelant vers le lieu du repos auraient-ils montré de l'enthousiasme en recevant un étranger ? Que pouvait être pour eux M. Quiverful ? Que pouvait-il être pour lui ? Si M. Harding était revenu parmi eux, un dernier rayon de joie aurait peut-être lui sur leurs vieilles joues. Mais pourquoi leur demander de se réjouir parce que M. Quiverful allait transporter ses 14 enfants de Puddingdale dans l'hospice? En réalité, l'entrée du nouveau conservateur allait être un bienfait, pour leurs âmes comme pour leur corps, mais ils ne pouvaient le savoir encore ni se réjouir à l'avance. Quoique cette réception de M. Quiverful n'eût pas été bien chaude, sa présentation par M. Harding fut loin d'être inutile. Tout Barchester, y compris les 5 pensionnaires, traita M. Quiverful avec plus de respect, parce que le jour de son entrée en fonction, il s'était présenté au bras du prêtre le plus vénéré de la ville. Nous laisserons dans leur nouveau foyer Mr. et Mrs. Quiverful avec leurs 14 enfants. Puissent-ils trouver le contentement dans la bonne position que la Providence leur a enfin donnée ?